الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication et la traduction du livre en langue française القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On est donc toujours dans la partie qui concerne les exemples que le Cheikh nous a donnés à propos donc des textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, dont les gens de l'innovation ont accusé faussement les gens de la Sunna d'avoir interprété, d'être tombés dans l'interprétation. Al-Ta'wil. Al-Ta'wil al-Fasid. Celui donc qui n'est pas agréé. Et donc, le Cheikh il a répondu à toutes ces fausses accusations en détaillant, et on est arrivé au 15e ou avant cela au 14e exemple. Donc il nous reste 14, le 14 et le 15e exemple, les deux derniers donc exemples. Et ensuite le Shir, après cela on va passer à la dernière partie qui est le Khatima, qui est en réalité la conclusion, mais une conclusion qui est très importante, où le Shir va détailler certains points qui sont fondamentaux. Il va revenir précisément حكم المعطلة, c'est-à-dire donc le statut que l'on va porter à ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azzawajal, également المؤولة, ceux qui sont tombés dans l'interprétation. Et dans ce sens, on va également, sur certains points, revoir ce qu'on a déjà vu في باب التكفير. À la كل حال, ce sera في الخاتمة, après qu'on ait fini donc les deux exemples qu'on va finir بإذن الله تعالى ce soir. يقول الشيخ رحمه الله المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله. Donc le Cheikh, dans cet exemple qui est pris du Coran et qui est le verset fi surat al-Fath, qui est numéro 10, verset numéro 10, où Allah Azza wa Jalla يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ici donc le Cheikh va nous présenter le verset en précisant qu'il est constitué de deux phrases. La première phrase qui est la suivante: Inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. Il nous dit: Wa qad akhadha as-salaf ahlus-sunnah bi-dhahiriha wa haqiqatiha wa hiya sarihatun fi anna as-sahaba radiyallahu anhum كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كي لو فرسي في سورة الفتح الآية 18. ويقول الشيخ ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه, ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته للأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. Donc pour ce qui est du premier verset ou la première phrase du verset, ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. Il nous dit que les salafs, les gens de la sunna, ont pris ce verset suivant son apparence et suivant sa réalité. Et il nous dit que cela est explicite. Le sens de ce verset est explicite, que les sahaba, qui sont donc les compagnons, ils ont prêté allégeance à qui? Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et la preuve de cela, c'est dans un verset qui va suivre, dans la même sourate, qui est le verset suivant. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Et il nous dit le shir, il n'est pas possible de comprendre donc de ce verset إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ, ils ne font que prêter serment à Allah, أَنَّهُمْ يُبَايِعُونَ اللَّهَ نَفْسَهُ, qu'ils ont prêté allégeance à Allah lui-même. Et cela donc est impossible à comprendre de ce verset-là. Et on ne peut prétendre que c'est ce qui est l'apparent du verset, ce qui est apparent du verset. Car il va aller à l'encontre de trois choses. Il nous dit, dans un premier temps, la première partie du verset. Et on sait que la première partie du verset, c'est « Inna alladhina yubayi'unaka anta wa al-dhamir yarja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » C'est-à-dire qu'ils ont prêté allégeance au prophète. Ceux qui t'ont prêté allégeance, c'est-à-dire ils ont prêté allégeance au prophète. Donc, si on aurait dit qu'ils auraient prêté réellement allégeance à Allah, dans le sens qu'ils auraient donc prêté allégeance à Allah lui-même, ce serait un contraire à la première partie du verset. Wal waqi'a, et ce qui est waqi'a, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. On sait que les sahaba, ils ont tendu la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, wa istihalatihi fi haqqillahi ta'ala, que cela est strictement impossible dans le droit d'Allah azawajal, car Allah azawajal, il est au-dessus de ses cieux, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas mélangé à ses créatures, comme on l'a vu et comme on l'a détaillé fi al-ma'iyya, c'est-à-dire la tribu d'Allah azawajal, la compagnie. Et il nous dit le shir, wa innama ja'ala Allah ta'ala mubay'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mubay'atan lahu, li'annahu rasuluhu qad bay'a as-sahabata 'ala al-jihad fi sabilillahi ta'ala. وَمُبَايَعَةُ الرَّسُولِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَرْسَلَهُ مُبَايَعَةٌ لِمَنْ أَرْسَلَهُ لِأَنَّهُ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ كَمَا أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ طَاعَةٌ لِمَنْ أَرْسَلَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Donc il nous dit le shir, qu'Allah Azza wa Jal, il a placé donc le fait d'avoir prêté allégeance, un serment d'allégeance au prophète comme s'ils avaient prêté allégeance à Allah Azza wa Jal. Et dans quel sens? Comme il nous l'explique le shir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui a demandé qu'on lui prête allégeance. Il a demandé aux sahaba, et les sahaba donc lui ont prêté allégeance à l'al-jihad fi sabilillah. On sait que pour ce qui est de ce verset, c'était fi al-Hudaybiyah. C'était donc, c'est passé l'événement de al-Hudaybiyah, lorsque Othman était parti en tant que messager vers Quraysh, et lorsque al-Khabar, l'information leur est venue, comme quoi ils avaient tué Othman. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a demandé un serment d'allégeance aux compagnons pour donc combattre, c'est-à-dire pour lutter dans le chantier d'Allah Azza wa Jal avec les armes. Donc c'était dans ce but-là, al-Mubay'a. Et il nous dit donc le shir, qu'ils ont donc fait cette Mubay'a pour le combat dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et il nous dit, et donc, avoir prêté allégeance, serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est du djihad, c'est-à-dire dans la voie de celui qui l'a envoyé, qui l'a envoyé, c'est bien entendu Allah qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si donc ils avaient prêté allégeance à celui qui l'a envoyé, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ, car il est son envoyé, et il est celui donc qui transmet de sa part. Et dans le même sens, lorsqu'on dit que ta'atu ar-rasul ta'atu liman arsala, c'est-à-dire que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance à Allah azza wa jalla. Pourquoi? Parce que on a obéi à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Allah azza wa jalla. C'est pour ça que subhanahu wa ta'ala, il dit dans son Coran, man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah, faqad ata' Allah, celui qui suit ou qui obéit au prophète a donc certainement obéi à Allah. Et il nous dit également le shir, wa fi idafati mubay'atihim ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam ila Allah ta'ala min tashrif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'yidihi wa ta'kid hadhihi al-mubay'ati wa 'idamiha wa raf' sha'n al-mubay'in ma huwa adh-dhahir la yakhfa 'ala ahad. Également il nous dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a annexé cette mubay'a, le fait d'avoir prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été comme on avait prêté allégeance à Allah Azzawajal, nous dit le Cheikh, min tashrif al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans cela, ça rentre donc dans l'honneur qui est fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le fait qu'Allah Azzawajal le supporte. Et également que c'est une insistance. Et également la grande importance de cette mubayara. Ou également le fait que Allah Azzawajal, à travers cela, à travers donc ce verset, il a élevé le rang de ceux qui ont fait, qui ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et qui ont donc reçu par cela un haut niveau, qui ont été considérés comme un haut degré parmi les sahaba, ceux qui ont donc prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette période al-Hudaybiyah, et qui ont prêté allégeance sous l'arbre. Et donc tout cela, le chéri nous dit, le fait que Allah Azza wa Jal, il a annexé donc cette mubayara au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite à lui, c'est donc min hadha al-bab, c'est dans ce sens là. Ça c'est pour ce qui est de la première phrase du verset. Et donc on est resté fil dhahiriya. Les gens de la sunna, les salaf, ils ont pris le verset tel qu'il était, c'est-à-dire suivant son dhahir, comme on l'a expliqué, c'est plus qu'évident, c'est plus qu'apparent, c'est ce qui ressort de manière explicite du verset. Tayyib. Al-jumlatu thaniya. Maintenant pour ce qui est de la deuxième phrase, il nous dit le shir وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم. Donc ça c'est la deuxième partie du verset. On va dire la deuxième phrase du verset. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Il nous dit وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. Il nous dit le Cheikh que ce verset, cette deuxième phrase du verset, on l'apprend également suivant son apparence, comme le fait Salaf. Et que, en réalité, la main d'Allah Azza wa Jal était au-dessus des mains de ceux qui ont prêté serment d'allégeance. Pourquoi le Cheikh dit, car sa main, لأن يده من صفاته, et comme on l'a vu, et comme on l'a expliqué, comme on l'a détaillé dans toutes les règles qui ont précédé, on a vu que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses attributs. Et comment donc on a testé, nous, cet attribut, suivant les règles déjà dictées et déjà comprise, inshallah, et appliquée. Lianna yadahu min sifati. Donc ici on est bien dans ce verset avec un attribut d'Allah Azza wa Jal qui est sa main. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de son trône. Donc, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala était bien au-dessus de la main de qui? De ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière directe. Et il nous dit, وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته. Donc c'est ce qui est apparent du verset et sa réalité. Donc les gens de la sunna ne sont pas tombés fi ta'wil, ils n'ont pas donc interprété faussement ce verset, ils l'ont fait sortir de ce qu'il impliquait, de ce qu'il indiquait de manière ou dans son apparence. Et nous dit le shir ici, donc on a l'insistance et cela va donc être appuyé que le fait d'avoir prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en réalité comme si les croyants, les sahaba, ils avaient prêté serment d'allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'implique pas, comme il dit le shir, qu'ils ont directement donc serré la main d'Allah azza wa jal. وَلَا يَزَمْ مِنْهَا تَكُونَ يَدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى مُبَاشِرَةً لِأَيْدِيهِمْ. C'est-à-dire donc qu'il y a un contact entre la main d'Allah et la main de ses créatures. Ça n'implique aucunement cela, lorsqu'on voit l'apparence du verset, pour ensuite dire que si cela impliquerait cette chose-là, alors il faudrait donc un nu'awil, il faudrait interpréter le verset. Ça, c'est complètement faux, car ça n'implique aucunement cela. Pourquoi il nous dit le shirk Fayadullah Azza wa Jal fouqa aidil mubayi'in. Car la main d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de la main de ceux qui ont prêté serment d'allégeance. Et il nous donne un exemple. Le shirk, lorsqu'on dit As-sama'u fawqana, c'est-à-dire que le ciel est au-dessus de nous, ça ne veut pas dire que on est mélangé avec le ciel. Lorsqu'on dit que As-sama'u fawqana, lorsqu'on dit que le ciel il est au-dessus de nous, ça ne veut pas dire que ce ciel-là il est mélangé à nous, mais que ce ciel il est bien détaché de nous. Il est séparé de nous, taïb, et il est loin de nous. Et donc, c'est dans ce sens, au niveau bien entendu de la langue. Donc, il n'y a aucune implication. Lorsqu'on dit que la main d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que sa main est au-dessus, était au-dessus de leur main à ce moment-là, ça ne veut aucunement donc dire qu'il y a eu un contact entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le sait, c'est strictement impossible, car Allah Azza wa Jal ne se mélange pas à ses créatures. On l'a expliqué également cela, on l'a détaillé, fi masalat al-ma'iyya, c'est-à-dire dans la question propre à l'attribut d'Allah Azza wa Jal, la compagnie, sa compagnie. Et il nous dit le shirk, ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم ولا فوق أيديهم لا فوق أيديهم. Donc il nous dit également, on ne peut pas comprendre de ce verset que ce qui est voulu par la main d'Allah Azza wa Jal ici, c'est la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité. Ça c'est strictement impossible. Il nous dit dans un premier temps, parce qu'Allah Azza wa Jal il a annexé la main à lui-même, sa main donc à lui-même, yadullah. Donc on voit ici qu'il y a bel et bien une annexion, yadullah, mudaf mudaf ilayhi. Et ensuite il l'a décrit comme étant au-dessus de leurs mains. Et de plus, il nous dit le shir, lorsque, donc elle est au-dessus de leurs mains. Par contre, pour ce qui est de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les sahaba ils ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout simplement, lui, tendu sa main. Donc sa main en réalité elle était en dessous de la main de qui? Des sahaba. Et ensuite les sahaba ils sont venus et ils ont pris sa main. Donc comme celui qui serre la main. Taïb, donc à ce moment-là, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en dessous et non au-dessus. Donc tout simplement ça, c'est pour, on va dire, détailler fi arrad, pour détailler, pour ce qui est de repousser ce que eux ils ont avancé, c'est-à-dire les gens d'innovation. Ça donc, c'est pour ce qui est du 14e exemple, et ensuite on va passer au 15e et dernier exemple. Le dernier exemple, c'est le suivant. Yaqul al-Sheikh rahimallah, المثال الخامس عشر المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. Ici donc c'est un hadith et non un verset du Coran comme ce qui a précédé, mais c'est un hadith qui a une particularité, c'est ce qu'on appelle le hadith al-Qudsi. Le hadith al-Qudsi qui a une particularité, c'est qu'en réalité, c'est la parole du prophète qui est rapportée de son Seigneur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith al-Qudsi, c'est pour ça qu'on l'a appelé hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte directement de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte directement de son Seigneur. Est-ce que maintenant, wada ikhtilaf al-ulama, c'est-à-dire ici, entre parenthèses, c'est une divergence des savants. Est-ce que cette parole, c'est une parole bil ma'na, c'est-à-dire dans le sens qui est rapporté, ou c'est exactement la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire mot pour mot, comme cela est dans le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, mot pour mot. Mot pour mot. Et est-ce que donc ici, pour ce qui est du hadith, est-ce que c'est de même? Ici, ikhtilaf al-ulama, c'est-à-dire donc qu'il y a une divergence entre les savants. Et certains donc, qui voient que ce n'est pas donc la parole même d'Allah Azza wa Jal, mais que c'est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam bil ma'na, c'est-à-dire dans le sens. Et parmi les preuves qu'il rapporte, bien entendu les argumentations, on va dire, parmi les argumentations, on sait que le hadith al-Qudsi, ça peut être un hadith qui peut être authentique, ou alors qui peut être da'if, c'est-à-dire faible, ou qui peut être maudou', c'est-à-dire qui peut être complètement inventé. Alors qu'on sait que kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, mahfouz. De même, également, par rapport à ce qui est du hadith al-Qudsi, on sait qu'il ne nous est pas permis donc d'adorer Allah Azzawajal de par sa récitation, contrairement au Qur'an. Également, parmi les preuves qu'il rapporte, c'est que dans le Qur'an, beaucoup, innombrables versets où Allah Azzawajal dit, et il dit à propos donc des envoyés, il dit par exemple, Qala Nuh, Qala Adam, etc. C'est-à-dire, Adam il a dit, Noé il a dit, Ibrahim il a dit, etc. Et tout ce qui est rapporté donc des gens. Et on sait que tous ces gens-là, ils ne parlaient pas la langue arabe. Donc il est impossible, lorsqu'Allah Azzawajal dit Qal, ils ont dit que c'est exactement leur parole. Donc c'est bel et bien rapporté par Filmarna, c'est rapporté donc dans le sens. Et par là donc, il est permis de dire Qal Allah, pour ce qui est donc ici du hadith Qudsi, alors que c'est rapporté dans le sens. Comme cela est employé dans le Coran, lorsqu'Allah Azzawajal, il parle à propos donc, il rapporte ce qu'on dit les envoyés, et on sait que les envoyés, ils ne parlaient pas la langue arabe, alors que le Coran, il est dans la langue arabe. Donc c'est un procédé qui est utilisé, et qui est permis donc de faire, ou d'utiliser dans la langue arabe. Également, ils disent comme preuve que ce n'est pas une mu'jiza, c'est-à-dire le hadith al-Qudsi n'est pas considéré comme un miracle, contrairement au Coran. Également, parmi les preuves, c'est que, si on aurait dit que c'était le hadith al-Qudsi, c'était exactement la parole mot pour mot d'Allah Azzawajal, alors on aurait affaire ici à une isnad, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est plus élevée que la chaîne de transmission que l'on va trouver dans le Coran. Et comment ceci? Car dans le Coran, on sait que le Coran a été transmis par l'intermédiaire de qui? De Jibril, alayhi salam, alors qu'ici, ce serait été exactement la parole d'Allah, ça aurait été transmis directement d'Allah au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aurait été a'la isnadan, ça aurait été donc une isnad plus élevée que le Coran. À la kulli hal, comme le rappelle beaucoup de gens de science, et parmi Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah lui-même, il dit le mieux c'est de ne pas rentrer dans tous ces détails. C'est-à-dire que on s'en tient au hadith et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Qala Allah, c'est-à-dire Allah azza wa jalla il a dit. Après de savoir si c'est donc rapporté bil ma'ana dans le sens, ou alors c'est rapporté mot pour mot. À la kulli hal, on sait que lorsque le hadith il est authentique, il est qudsi, on sait que c'est la parole d'Allah, que ce soit fil ma'ana dans le sens, ou alors mot pour mot. Donc le mieux c'est de s'écarter, de détailler dans cela et de rentrer dans cette divergence et d'accepter le hadith comme il est, c'est-à-dire on dit le hadith est qudsi, ou comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahu ta'ala. Donc dans ce hadith, qui est le suivant, hadith rapporté par l'imam muslim, fi bab fadli iyadat al-marid, c'est-à-dire donc dans les vertus ou alors l'importance de visiter le malade. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira parmi les Sahaba radiallahu ta'ala anhu, et qui est le suivant. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyama. Donc Allah azza wa jalla dira le jour du jugement. Ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi, kayfa a'uduk wa anta rabbul alamin. Donc dans ce hadith, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyama. Donc Allah azza wa jalla certainement il dira le Très-Haut le jour du jugement. Yom al-Qiyama. Oh, fils d'Adam, j'ai été malade. Maridtu. Si on prend donc, al-lafz. Maridtu wa falam ta'udni. Maridtu falam ta'udni. J'ai été malade, tu ne m'as pas visité. Donc il va répondre, oh mon Seigneur, kayfa a'uduk wa anta rabbul alamin. Comment donc je vais te visiter et tu es donc le Seigneur des mondes. Donc dans le sens ici, c'est soit on comprend, wa anta ghani anni. C'est-à-dire, toi tu es riche, tu n'as pas besoin de moi. Donc c'est un sens qu'on peut le donner. Le deuxième sens, c'est-à-dire, toi bien entendu, tu ne tombes pas malade, car tu es le Seigneur des mondes. Donc c'est dans les deux sens qu'on peut comprendre le hadith. Ya Rabbi kayfa a'uduk wa anta rabbul alamin. Qal, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Ama alimta annaka la u'udtahu la wajadtani indahu. Donc ensuite Allah Azza wa Jal va lui dire, ne sais-tu pas que mon serviteur il est tombé malade et que tu ne l'as pas visité. Ne sais-tu pas que si tu l'aurais visité, alors tu m'aurais trouvé auprès de lui. La wajadtani indahu. Ça, c'est la première partie, donc, du hadith. Et bien entendu, on va l'expliquer par rapport à notre croyance vis-à-vis de ce hadith et comment on le comprend, suivant son apparence, comme le shir, ensuite il va détailler. Ensuite, ya ibn Adam, ô fils d'Adam, ist'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi, وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc ici, il va lui dire, ô fils d'Adam, je te demandais de la nourriture, donc l'istit'am, le fait de demander la nourriture, falam tut'imni, et tu ne m'as pas donné à manger, c'est-à-dire nourri, falam tut'imni. Qala ya Rabb, c'est-à-dire il va répondre, oh mon Seigneur, kayfa ut'imuk wa anta rabbul alamin, c'est-à-dire comment je vais te nourrir et tu es le Seigneur des mondes. Et donc il va répondre à Allah Azza wa Jalla, qala ama alimta anna ustat'amaka 'abdi, c'est-à-dire ne sais-tu pas que mon serviteur t'a demandé de la nourriture, falam tut'imhu, et tu ne l'as pas nourri. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi, ne sais-tu pas donc que si tu lui aurais apporté à manger, tu l'aurais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi. Donc on voit ici que le sens il va changer, lawajadtu dhalika 'indi, tu aurais trouvé donc cela auprès de moi. Yani bima'na ici al-thawab, la récompense. Ya ibn Adam, istasqaytuka falam tusqini. Qala ya Rabbi, kayfa asqiyuka, usqiyuka wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka 'abdi, falam tusqiyu. Amma innaka law saqaytahu wajadta dhalika 'indi. Donc de même ici, pour ce qui est du fait de demander à boire. Donc dans le même sens, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas donc abreuvé. Et il va lui dire, ya Rabb, comment je vais t'abreuver donc, t'apporter à boire et tu es le Seigneur des mondes. Il va lui dire donc, istasqaka 'abdi, c'est-à-dire que mon serviteur t'a demandé à boire, tu ne l'as donc pas fourni à boire. Amma innaka law saqaytahu wajadta dhalika 'indi, et que si tu l'aurais donc apporté à boire, donc abreuvé de boisson, wajadta dhalika 'indi, tu aurais trouvé cela auprès de moi. Ça c'est pour ce qui est de la traduction du hadith. Le chien ensuite il va répondre donc à ce qu'on, bien entendu ici, ou encore accuser les gens d'innovation, Ahli Sunnah, d'interprétation. Il va lui dire al-jawab, an salaf akhadu bihada al-hadith, wa lam yusarrifuhu an zahirihi bitahrifin, yatakhabbatuna fihi bi ahwa'ihim, wa innama fassaruhu bima fassaruhu bihi al-mutakallim bihi, alladhi wallah. Faqaluhu ta'ala fi al-hadith al-Qudsi, marittu wa stat'amtuka wa stasqaytuka, بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبد فلان مرض وأنه استطعمك عبد فلان واستسقاك عبد فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقى عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله في الآية. Le chien va répondre de manière des plus simples. C'est que les salafs, ils ont pris le hadith suivant son apparence et qu'ils n'ont pas fait dévier donc de son sens apparent. Taïb, ils ne sont pas tombés donc dans l'altération. Ils ne sont pas tombés dans la fausse interprétation en suivant leur passion. Mais ils l'ont expliqué comme on l'a expliqué, comme l'a expliqué al-mutakallim bihi. Man al-mutakallim ici, qui parle ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit qu'Allah azza wa jal, pour tous les cas qu'on retrouve dans ce hadith, les trois cas donc, pour le fait qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit maridtu bima'na, c'est-à-dire je suis tombé malade, dans le sens que un de mes serviteurs est tombé malade, tu l'as pas rencontré, tu l'as pas visité. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal lui-même, il nous a expliqué, on comprend la première partie de ce premier cas. Pareil pour la première partie du deuxième cas, lorsqu'il a dit tu ne m'as pas nourri, dans le sens que tu n'as pas nourri un de mes serviteurs, un qui t'a demandé. Et de même pour ce qui est du troisième cas, qui est le fait de demander à boire. De même, Allah Azza wa Jalla nous a expliqué, il a mis en évidence que c'était une de ses créatures, un de ses esclaves qui avait demandé à cette personne-là l'eau et qu'il ne l'a donc pas donnée. On est bien resté ici fi dhahir al-kalam et on a bien compris comment Allah Azza wa Jalla nous l'a lui-même fait comprendre, c'est-à-dire dans le sens qu'il nous a donné Allah Azza wa Jalla lorsqu'il expliquait al-marab. Et on sait que al-marab ici c'était annexé à Allah Azza wa Jalla. De même pour ce qui était al-istit'am, le fait de demander à manger, al-istisqa, le fait de demander donc boisson. Et dans ce sens donc que c'était ici marad al-abd, donc la maladie de l'esclave, le fait que l'esclave il a demandé à boire et à manger. Et donc on est bien resté fil zahir al-kalam, tayyib, et que c'est comme si, comme dit le cheikh, que al-mutakallim, elle a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla ici, il avait parlé dès le début de par cette phrase ibtida'an, tayyib. Mais quelle va être al-fa'ida, quel va être donc l'intérêt de ce procédé linguistique lorsque Allah azza wa jalla dit maridtu wastat'amtuka wastasqaytuka? Donc tout ceci, il nous dit le cheikh, c'est pour prouver at-targhib. At-targhib wal-haf, le fait de motiver une personne, nuraghib fi, le fait qu'il ait donc un désir à faire cet acte-là, qu'il sait qu'il y a une grande récompense. De même, al-haf, le fait donc de pousser quelqu'un à faire cet acte-là. C'est dans ce sens qu'Allah Azzawajal, il a employé ces termes-là, comme maritou, etc. Ensuite, il dit, le shir, en prenant l'exemple du verset, man dhalladhi yuqridullah, man dhalladhi yuqridullah. Et qui est donc, fi surat al-Baqarah, qui est le verset 245. C'est-à-dire qu'il comprête Allah de bon prêt. Est-ce qu'on a besoin de prêter Allah Azzawajal un prêt? Bien entendu, non. Et on sait que dans ce sens, on comprend le verset du Coran, man dhalladhi yuqridullah, et qu'Allah Azzawajal, il a cité al-Qard ici. Al-Qard. Et on sait qu'al-Qard, au niveau de la langue arabe, ça va impliquer al-Qard, donc qui est le prêt. Ça implique que celui à qui on a fait un prêt, automatiquement, il va nous rendre cet argent-là. Donc dans ce sens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, min ihsani, c'est-à-dire de sa bienfaisance envers ses créatures, pourquoi il a utilisé ce terme-là, subhanahu wa ta'ala, yani al-qard ici, man dhalladhi yuqridullah, car automatiquement, celui qui va donner dans le chemin d'Allah azawajal, Allah subhanahu wa ta'ala, il le rendra automatiquement, de par son ihsan subhanahu wa ta'ala, et de par son fadl, de par sa bienfaisance subhanahu wa ta'ala, il le rendra le jour du jugement. C'est comme une promesse de la part d'Allah azawajal. C'est pour ça que le terme ici est employé, al-qard. Donc lorsqu'on dit man dhalladhi yuqridullah, c'est bien en réalité ici qu'on va prêter de l'argent, par exemple, à un nécessiteux, qu'on va donner de l'argent à un nécessiteux, qu'on va donner de l'argent dans le chemin d'Allah, dans la da'wah, etc. Et dans ce sens, donc, on a prêté à Allah azawajal, comme si ensuite, il allait nous rendre en rétribution, yawm al-qiyamah. Donc, c'est dans le même sens, pour ce qui est donc, du hadith. Et on est bien resté sur l'apparence du verset, et ce qu'il indique réellement. Ensuite, le shir nous dit, وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث ولو كان الظاهر واللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال Donc il nous dit le cheikh que en réalité ici ce hadith c'est l'une des preuves les plus évidentes qui va réellement yani annuler tout ce qu'ils ont fait les gens d'innovation et tout ce qu'ils ont interprété les gens de l'innovation pour ce qui est de tahrif al-nusus, tahrif nusus al-sifat. Car on voit ici qu'Allah Azzawajal, il nous a bien expliqué quel était le sens donc dans tous ces cas-là, à partir donc du hadith tayyib, et que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit maridtu, quel était le sens de cela? C'est-à-dire, j'ai été malade. Allah Azza wa Jalla nous a dit quel était le sens. Pourquoi? Parce qu'al marad, hada mumtani' fi haqqillah. Hada mumtani' fi haqqillah. C'était quelque chose qui est impossible dans le droit d'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla tombe malade. Tayyib, il l'a mis en évidence Allah Azza wa Jalla pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, de même, pour ce qui est de toutes les autres nusus, les autres textes du Coran et de la Sunna, s'il y avait eu quelque chose qui aurait été impossible dans le cas d'Allah, Allah Azza wa Jalla l'aurait mis en évidence. S'il aurait été impossible qu'Allah il aurait une main, il l'aurait mis en évidence qu'Allah c'est impossible qu'il ait une main. Comme il l'a fait ici dans ce hadith. Ici, Allah Azzawajal, lorsqu'il a dit maridtu, c'est-à-dire j'ai été malade, il a mis en évidence. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, parce que c'est strictement interdit dans son droit, donc il a mis en évidence que c'était en réalité ici le fait que son esclave, il est tombé malade et que la personne, elle lui a pas rendu visite. Que le musulman, il a pas rendu visite à son frère. C'est dans ce sens. Parce que c'est impossible dans le droit d'Allah qu'Allah Azzawajal tombe malade. Donc il l'a mis en évidence. C'est pour ça qu'il va nous dire le shirk dans les trois cas qui vont se présenter. Il nous dit, إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. C'est-à-dire, ce serait quelque chose qui aurait été en apparence contraire à ce qui est réel, alors Allah et son prophète l'auraient mis en évidence comme ils l'ont fait ici, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans ce hadith là. Et si ça aurait été al-dhahir, c'est-à-dire l'apparence du texte, ça aurait été strictement interdit dans le droit d'Allah, mumtani'an, et impossible dans le droit d'Allah, alors automatiquement Allah et son prophète, il l'aurait mis en évidence comme ils l'ont fait dans ce hadith. Et si donc l'apparent, ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, tout ce qu'on a vu donc, les versets concernant les sifats d'Allah Azza wa Jal seraient impossibles dans le droit d'Allah, alors cela aurait impliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait décrit lui-même par des choses qui sont strictement impossibles dans le Coran. Ma la yuhsa illa bi kulfa, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu même les dénombrer, tout ce qu'Allah Azza wa Jal, il s'est décrit de lui-même et qui est en réalité impossible pour lui dans le Coran. Donc on voit que c'est complètement batil. Hada akbar al-mahal, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus impossible, de plus nul à comprendre. Donc il est plus que clair ici que ce hadith, c'est une preuve pour ce qui est ar-rad, c'est-à-dire la réfutation que l'on va faire aux gens de l'innovation, dans le sens donc qu'on a expliqué. وَلِنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ لِتَكُونَ نِبْرَاسًا لِغَيْرِهَا وَإِلَّا فَالْقَاعِدَةُ عَنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ مَعْرُوفَةً ويا اجراء ايات الصفات واحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد النصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. Donc ensuite le cheikh va nous dire que il se suffit à cela pour les exemples, c'est-à-dire 15 exemples qui vont suffire pour tous les autres exemples. Pourquoi? Parce qu'ici on va les prendre comme modèle, on va les prendre comme modèle pour les autres exemples qu'il a pas cité le cheikh. Pourquoi? Parce qu'on a vu donc la façon dont le shir il a procédé et comment il a fait donc un rad, une réfutation, exemple par exemple, et donc cela est un modèle pour ce qui est de la réfutation, pour réfuter ce que les gens de l'innovation nous ont avancé à propos donc des gens de la sunna. Et il nous dit donc le shir que cette règle là elle est connue auprès des gens de la sunna et du consensus, et qui en réalité qui revient donc à celle d'appréhender les textes et les versets des attributs d'Allah Azza wa Jal, ainsi que les hadiths les concernant, de les appréhender donc suivant son apparence, de les comprendre suivant son apparence, sans même donc les altérer, sans même les renier, sans même donner l'explication du comment, et sans même donc faire acte d'anthropomorphisme, comme on l'a expliqué précédemment, et comme il nous a dit le shir, que cela donc a été décrit de manière complète, fi qawaid an-nusus as-sifat, dans les textes ou dans les règles, qui concerne donc les textes comprenant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le cheikh va passer donc à Al-Khatima, donc à la conclusion de ce livre-là. Subhanakallah wa bihamdika. Shadun la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.